Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Je suis très contente d'avoir à mes côtés Alain Asselin, professeur associé au département de phytologie de l'Université Laval et co-auteur de plusieurs livres intitulés « Curieuse histoire de plantes », des livres en 3 tomes successifs qui étaient parus aux éditions du Septentrion. Alain Asselin est d'ailleurs venu à l'émission plusieurs fois pour nous raconter quelques-unes de ces curieuses histoires de plantes. Bonjour Alain. Bonjour Valérie. Et aujourd'hui, donc, ce ne sont pas des histoires de plantes que vous venez nous raconter, mais des histoires de femmes et des femmes qui ont marqué l'histoire de la botanique. De savantes femmes. De savantes femmes. Et on commence d'ailleurs par une femme, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était curieuse, une femme que nous connaissons tous plus ou moins de nom, qui a très anciennement, peut-être à une façon bien particulière, marqué l'histoire de la botanique. Voilà. Son nom est Ève. Oui, pourquoi ne pas commencer par la Genèse, n'est-ce pas? Oui. C'est fort approprié, je pense. Alors, notre amie Ève, évidemment la conjointe, la digne conjointe de notre ami Adam. Alors, Ève a quand même un lien avec la botanique parce qu'apparemment, elle aurait eu une consommation d'une fameuse pomme. Mm-hmm. Et oui. On peut s'interroger d'un point de vue botanique, s'agit-il du fruit du pommier ou pourrait-il s'agir d'autre chose? Et de façon intéressante, on peut constater quand même en 2018, comme on dit communément en science, on s'obstine encore mm-hmm. sur l'identité botanique de la fameuse pomme mm-hmm. d'Ève. Le mot hébreu qui correspond ne veut dire en fait que fruit aromatique. Ah, donc, il pourrait s'agir... Voilà, comme vous le soulignez, Valérie, il pourrait s'agir du fruit du grenadier, il pourrait mm-hmm. s'agir du fruit de l'abricotier, mm-hmm. il pourrait s'agir même d'autres choses, mais peu importe. Il faut peut-être se rappeler qu'il y a des végétaux au cœur souvent de mm-hmm. mythologie, au cœur de certaines conceptions initiales des, mm-hmm. des différents univers. Et considérant l'endroit donc où cette femme a croqué la pomme, est-ce que c'est plausible que ce fût une pomme? C'est peu plausible, en fait. Ah. Parce que, oui, c'est plausible, mais la plupart des connaisseurs de la botanique régionale, si on peut dire, semblent dire que le pommier n'est pas un premier choix. Donc, mm-hmm. Plausible, oui, un peu, mais mm-hmm. disons qu'il faut peut-être être prudent plus qu'autre chose. Mm-hmm. Alors, on va faire un saut dans le temps quand même de quelques nombreux siècles. On va arriver en Allemagne au 12e siècle avec Sainte Hildegarde de Bingen. Oui, pourquoi pas un petit saut de milliers et de milliers d'années. Alors, pourquoi pas aussi avouer que c'est ma sainte au point de vue botanique qui est ma préférée. Oui? Oui. Et pour quelle raison? C'est d'abord une bénédictine allemande exceptionnelle au point de vue de sa curiosité, au point de vue de ses intérêts de connaissance. Elle s'intéresse à la nature, à la musique, à la poésie, au surnaturel. Voilà une championne de la curiosité, mais en même temps une savante de l'époque qui, dans ses écrits, mentionne quand même, plus que mentionné en fait, traite de 213 espèces mm-hmm. de plantes de l'époque. Comme vous l'avez mentionné, on est au 12e siècle, mm-hmm. dans un monastère bénédictin, et elle donne des notions et surtout des informations fort intéressantes sur les usages mm-hmm. de l'époque de ces diverses plantes. Et il est intéressant de souligner qu'on a reconnu tout de suite, à la fin de sa vie, ses contributions majeures. Et d'ailleurs, en 1233, commence un premier procès de canonisation, tant on pense qu'elle a été une sainte et une ouais. savante aussi sainte. Et ça a pris... tellement de temps que c'est le pape Benoît XVI en 2012, ah, oui. de 1233 à 2012, on a eu une très longue réflexion Ça fait long, hein? Il faut être un peu patient pour ne pas dire patiente. Ouais. Et évidemment, On vient de la proclamer il y a quelques années, 6 ans, mm-hmm. docteur de l'Église, et elle a eu une belle contribution à divers mm-hmm. points de vue. Une femme dynamique, savante de l'époque, curieuse, et mm-hmm. pourquoi ne pas implorer Saint-Hildegarde? Ben oui, parce que déjà, à cette époque-là, il ne devait pas y avoir tant de monde que ça qui faisait des descriptions de plantes. Encore en plus, une femme, on ne doit pas voir beaucoup d'écrits du 12e siècle de description de plantes quand même. Non, effectivement, effectivement. Ouais, ouais. Donc ensuite, on va changer de pays, dans le pays voisin, en France, avec Marie Meurdrac. Donc là, on est quand même un peu plus tard déjà. Oui, on est vraiment au 17e siècle. Notre amie Marie Meurdrac a vécu d'environ 1610 à 1680. C'est une bourgeoise de l'époque, mais qui a des préoccupations et des intérêts assez particuliers parce que madame a un labo de chimie. Ah. Et elle s'intéresse particulièrement à la chimie verte. Mmh. La chimie que l'on peut concocter, si l'on peut dire, à partir de végétaux. Et elle a aussi l'audace de s'adresser à ses consoeurs aux femmes. Elle publie en 1666 ce qui s'intitule « Chimie charitable et facile en faveur des dames ». Alors, mm-hmm. non seulement elle se préoccupe des herbes, des plantes médicinales, de la chimie, de toutes ces concoctions, mais elle s'intéresse à transposer ses connaissances particulièrement aux femmes. Donc, un souci, une volonté d'éveiller voilà. ses consoeurs, la voilà. gente féminine à la chose oui. scientifique. Pourquoi pas au 17e siècle être une féministe ouais. très active, très ouais. dynamique, très verte aussi mm-hmm. en même temps, qui nous rappelle dans ses écrits que les esprits n'ont pas de sexe, qui nous mm-hmm. dit aussi que l'action nous instruit bien davantage que la contemplation et qui mm-hmm. se préoccupe des végétaux, de leur importance médicinale, de leur traitement chimique et de la composition mm-hmm. de divers médicaments, mais toujours, toujours en faveur des femmes. Mm-hmm. C'est intéressant, cette phrase. L'action nous instruit davantage que la contemplation. On voit comme une petite divergence qui s'installe. Oui, voilà, tranquillement, voilà. Tranquillement. Je ne sais pas ce que notre ami Saint-Hildegarde de Bingen aurait mentionné par rapport à cette réflexion, mais oui. je pense qu'il y avait pertinence. Oui. Il y a quand même eu des femmes, là on parle d'une Allemande, d'une oui. Française, mais il y a eu des Canadiennes, des Québécoises oui. aussi qui ont marqué l'histoire de la botanique. Oui, pourquoi pas un petit saut maintenant d'à peine une couple de siècles, on est quand même raisonnable. On se situe au début du 19e siècle, et pourquoi pas à Québec, dans mm-hmm. notre belle région, et pourquoi pas parler de trois ladies, de trois femmes de l'époque qui aussi appartiennent à l'aristocratie jusqu'à un certain point, Lady Dalhousie, Anne-Marie Perceval et Harriet Shepherd, qui sont des femmes très intéressées aux plantes, à la récolte des plantes, à l'identification des plantes, non pas seulement d'une façon amateur et je dirais de d'intérêt court. Non. On s'intéresse pendant des années et de façon professionnelle. Mm-hmm. Parce que les botanistes professionnels de l'époque sont très intéressés à recueillir les spécimens récoltés par nos trois ladies mm-hmm. De Québec. Parce que est-ce qu'il y avait quand même probablement des botanistes aussi installés à Québec au même temps? Peu, parce qu'elle correspondait par exemple avec des botanistes en Angleterre, en Écosse aussi particulièrement, d'accord. ailleurs, aux États-Unis d'accord. aussi. Elles avaient des liens, elles avaient développé d'accord. un donc, il y avait réseau. Une correspondance oui. scientifique entre oui. botanistes. Oui. D'accord. Et elle était reconnue par ses pairs masculins. Bien sûr, bien sûr, d'accord. bien sûr. Est-ce qu'elles ont laissé des écrits? Est-ce qu'elles oui. avaient des spécialités? Des fois, oui. les botanistes ont des spécialités. Oui, effectivement. Si on parle, par exemple, de Lady Dalhousie, qui s'intéressait particulièrement aux orchidées de Québec, elle a même publié seule à l'époque, en 1827, sur son catalogue de plantes canadiennes qu'elle avait récoltées. Et donc ça, à l'époque, une femme publiée seule dans un domaine scientifique, souvent il y avait des liaisons entre guillemets avec une autre personne comme pour donner une fallait chaperonner un petit peu. Mais notre Lady Dalhousie, elle a le culot, entre guillemets, de publier seule un catalogue de plantes parce qu'elle connaît les plantes beaucoup plus que son conjoint, le gouverneur Dalhousie de l'époque, qui a toutes sortes de problèmes politiques en passant. Madame Dalhousie, la comtesse Lady Dalhousie, s'intéresse à toutes sortes de plantes, particulièrement les orchidées et particulièrement des orchidées de la région de Sorel. Elle aime mieux l'environnement de Sorel que celui près du château Saint-Louis à Québec. Donc, oui, pour répondre à votre question, elle laisse des traces très précises. Des traces écrites. Non seulement des traces écrites, mais aussi des spécimens récoltés que l'on peut encore étudier de nos jours. Et est-ce qu'elle se connaissait, en fait, ces trois personnes-là, Henrietta Schaper? Oui, elles se sont connues, mais pas nécessairement. Elles se connaissaient, disons, de façon professionnelle, mais elles n'ont, il n'y a pas d'évidence qu'il y avait des liens très étroits. Parce que quand même, Lady Dalhousie, il ne faut pas oublier de le mentionner, elle était la conjointe du grand patron de l'époque au point de vue politique. Donc, notre seconde amie, Anne-Marie Percival, de son nom de famille Flower, au nom prédestinée à notre... Alors, Anne s'intéresse aux fleurs, mais d'une façon, comme Mme Dalhousie et Mme Shepherd, de façon professionnelle. Et elle avait été l'élève d'un botaniste qui a séjourné au Canada, au Bas-Canada à l'époque, Pursh. Et elle a des liens avec des botanistes américains, des liens professionnels intéressants. Et même un botaniste de l'époque lui dédie une orchidée en son nom. Alors, il y a une plante, Orchis Percevalea, au nom de Mme Perceval. Donc, habituellement, quand on donne des noms associés de façon scientifique, ça veut dire que la dame connaissait sa science botanique. Il est intéressant de noter, dans le cas de notre chère dame Perceval, que sa collection personnelle est à Ottawa, l'Herbier central, et qu'il est encore utilisé à des fins de recherche. Exactement. Je pense que c'est bien d'en profiter pour dire que ces herbiers-là, c'est pas juste des objets de collection d'un tel ou tel, mais ça a une valeur scientifique parce que ça nous apporte plein de renseignements sur la flore qu'il y avait à cette époque-là. Quelle remarque pertinente. Hier, par exemple, j'ai passé une partie de la journée à l'herbier Louis-Méry à l'Université Laval pour vérifier certaines informations. Les plantes récoltées, même si elles datent, sont toujours une source d'informations parce que sur l'étiquette qui accompagne la plante, le lieu, le moment, la date de récolte, et des fois, de petits commentaires intéressants, complémentaires, qui nous font, qui nous permettent de mieux compléter des informations d'ordre scientifique ou autre. On va voir, par exemple, peut-être que maintenant, il n'y a plus de cette plante-là, cet endroit-là, il y en avait apparemment, il n'y en a plus, ou alors ça poussait en entre guillemets, collaboration avec, en association avec telle autre plante. Voilà. Ça a été récolté à côté de telle fougère ou je ne sais quoi, où il coulait un petit ruisseau à cette époque-là, il n'y est plus. Oui, et au hasard, ces dames ont récolté des plantes rares. Mais elles ont récolté des plantes rares. Par exemple, notre amie Perceval a récolté une gentiane, la fameuse gentiane de Viterin, un siècle avant sa description par... Alors, c'est pour dire que ces dames savaient différencier les plantes dites communes, quant à la fréquence, des plantes rares. Alors, ces dames ont eu une contribution très intéressante. La dernière, la troisième, Mme Shepherd, son mari était aussi plutôt ferré en botanique et en foresterie parce que ce monsieur était un commerçant dans le bois. Mm-hmm. Alors, mais madame Harriette Shepherd, sa conjointe, était une très bonne botaniste, mais aussi une naturaliste qui s'intéressait aux coquillages, à l'ornithologie, à d'autres secteurs. Une naturaliste, finalement, de l'époque. Une belle et bonne naturaliste avec une curiosité élargie. Et ça, évidemment, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ça, ce sont trois... Est-ce qu'on le dit québécoises, malgré leur nom anglais? Oui, ce sont des Anglaises, mais qui ont eu pied à terre ici et qui ont récolté localement et qui se sont évidemment forcées à essayer de mettre en valeur les récoltes locales, mm-hmm. régionales. Mm-hmm. Et donc, un grand merci à ces trois dames de l'époque. Et il y a une autre dame dont vous voulez nous parler, une Américaine cette fois-ci, Lydia Pinkham. Oui, l'une de mes préférées quant à l'histoire des relations entre les plantes et les humains. Cette dame, notre amie Lydia Pinkham, est une Américaine du 19e siècle. Elle a vécu de 1819 à 1883 et elle a une histoire fantastique. Cette dame naît donc au Massachusetts d'une famille Quaker, donc des gens de convictions religieuses importantes, mais aussi en même temps avec d'autres convictions. Par exemple, elle était anti-esclavage. Mm-hmm. Donc, pour l'époque, une femme qui avait des conceptions fort intéressantes, mais malheureusement, elle a choisi un époux qui a eu assez rapidement des problèmes financiers. Oui. Donc, une dame fort intelligente, fort travaillante, mais malheureusement, elle a comme conjoint quelqu'un qui a peu de succès et même des déroutes financières très importantes. Alors, Lydia a une solution. Elle, depuis des années, a des solutions à son mari, à ses problèmes, aux problèmes financiers de son mari. Lydia, depuis des années, elle est très généreuse aussi. Elle concocte depuis plusieurs années, elle concocte des médicaments pour les femmes, pour toutes sortes de problèmes féminins. À base de plantes. À base de plantes, voilà. Évidemment. Voilà où sont les plantes. Voilà, elle sait où sont les bonnes molécules, les bonnes substances. Alors, notre amie Lydia, concoctant gracieusement et gratuitement ces choses-là, se dit, peut-être pourrais-je faire un petit commerce? Quelle acuité, quelle bonne idée, parce qu'en peu d'années, sa compagnie devient, elle met sur pied une compagnie familiale, et sa compagnie devient multimillionnaire en peu de temps, sans problème, parce qu'elle a beaucoup de connexions, et au hasard, son composé à base de plantes, à base de 5 plantes à l'origine, semble ultra apprécié par par les dames qui en font usage. Donc, mais il y a quelque chose encore plus cocasse. Notre amie Lydia met au point son composé et à peine quelques années plus tard, elle décède. Ah. Et que se passe-t-il? Pendant 32 ans, on cache son décès. Ah oui? Parce que le produit est à l'image de Lydia. C'est l'image de Lydia qu'on voit sur les annonces publicitaires. C'est Lydia qui est la vedette. Faut surtout pas dire que le produit de Lydia pourquoi ne pas cacher le décès? Dans l'entreprise, ils ont continué de fabriquer le composé. Pendant 32 ans, c'est en 1905. Ah, Lydia est décédée en 1883. Il faut attendre jusqu'en 1905 pour que la compagnie révèle le décès. Entre-temps, on a fait des millions et des millions. J'imagine que là, son conjoint a pu éponger ses dettes. Oui, oui. Et vous allez me dire, pourquoi parler d'une Américaine du Massachusetts, on est à Québec. Mais oui. Vous voilà le lien avec le Canada. Pour faire des sous, on s'installe aussi au Bas-Canada. À l'époque, on s'installe pratiquement à la limite entre le Québec et l'Ontario, parce que on a des feuillets publicitaires en français ici. Ah oui? Ah, absolument. Alors, Il y a une filiale qui s'est installée, à Cobourg, en Ontario, et la compagnie n'a été vendue qu'en 1968. Mm. Alors, et aujourd'hui, en 2018, on peut acheter sur le net, comme on dit, on peut acheter le composé végétal au nom de Lydia Pinkham, qui existe toujours. La compagnie n'existe plus, mais au hasard, le produit au nom de la dame. Mais qu'il fabrique. Voilà. Toutes sortes de personnes, toutes sortes de compagnies, plus ou moins. On récupère la recette et continue. Et aujourd'hui, si vous regardez, si vous analysez la recette, ce n'est pas 5 végétaux, vous en retrouvez 7. Il y a des différences appréciables. Mais un point intéressant aussi qui a un lien avec le Québec, c'est que parmi les 5 végétaux originaux, il y avait un végétal, le fenugrec, qui venait d'Europe. Alors, Lydia avait composé son composé magique pour les femmes avec un végétal d'origine eurasiatique, avec 4 végétaux d'origine nord-américaine. Mm-hmm. Ça, on appelle ça évidemment un composé hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a... On prend une plante d'Europe avec des plantes américaines et on en fait un composé. Lorsque l'an passé, on fêtait le 400e, on a fait beaucoup de notes l'an passé de l'arrivée de Louis Hébert en 1617. Oui. Louis Hébert est l'un de ceux qui a fait une composition hybride aussi en mélangeant, par exemple, de l'huile de navette avec de la térébenthine du sapin baumier. Le principe étant le même, souvent les gens pensaient qu'il y avait comme une espèce de magie spéciale en ayant un composé originaire d'Europe avec un composé originaire. Alors, ce n'était pas la première fois que Lydia n'était pas la première à faire ce genre d'approche la vigueur hybride. Voilà. Ça marche. Oui, vous avez raison. Le mot vigueur hybride, en fait, pourrait s'appliquer effectivement. Lydia n'était pas la première. Déjà ici, au début de début de la Nouvelle-France, il y avait eu des approches de ce genre-là. Mais je pense que Lydia s'inspirait de ces vieilles façons de faire. Et dans les composés de Lydia, il y avait donc du fenugrec, il y avait une espèce d'asclépiade, une espèce de senson, il y avait une espèce d'actée aussi. Et c'était les racines de ces plantes qui étaient concoctées par elle. Et à la fin, il y avait de 15 à 18 % d'alcool. Alors, c'est peut-être une des raisons que les femmes appréciaient peut-être de prendre de temps à autre une petite dose du composé de notre amie Lydia qui a été un succès vraiment phénoménal au point de vue commercial. Mais elle avait un petit peu le sens du marketing quand même, j'ai l'impression. Madame avait le sens de la fabrication d'un médicament qui a été hautement apprécié. Madame avait le sens du marketing. Madame avait le sens des affaires et ceux qui l'ont suivi avaient le sens de son importance parce que pendant plus de 30 ans, on cache son décès. Oui, c'est ça exactement, c'est ça qui est vrai. Mais aujourd'hui, donc, quand on l'achète toujours au nom de Lydia Pinkham. Il est identifié, vous pouvez vérifier sur Lydia Pinkham. Il y a encore des médicaments vendus au nom de la dame. Bon, alors c'est toute une histoire, ça. Merci beaucoup, Alain, donc, pour ces merci beaucoup, Valérie. Félicitations pour votre, votre beau programme. Je pense qu'il faut remercier toute l'équipe de Futur Simple. Et François. Oui, et tous les chroniqueurs qui alimentent cette émission, et vous en faites partie. Donc, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir ces femmes de Ève jusqu'à Lydia Pinkham et leur contribution à la botanique. Je rappelle que nous étions en compagnie de Alain Asselin, professeur associé au département de phytologie de l'Université Laval, dans un tout autre Dans un tout autre domaine, on vous parle dans quelques instants du concept de l'émergence. Rien de spirituel là-dedans, mais plutôt un pari scientifique.